La baronne le trouva charmant et surtout très comme il faut. Petit père répondit « Oui, certes, c'est un garçon très bien élevé. » On l'invita à dîner la semaine suivante. Il vint alors régulièrement. Il arrivait le plus souvent, vers 4 heures de l'après-midi, rejoignait petite mère dans son allée et lui offrait le bas pour faire son exercice. Quand Jeanne n'était point sortie, elle soutenait la baronne de l'autre côté et tous trois marchaient lentement, d'un bout à l'autre du grand chemin tout droit, allant et revenant sans cesse. Ils ne parlaient guère à la jeune fille, mais son œil, qui semblait en velours noir, rencontrait souvent l'œil de Jeanne, qu'on aurait dit en agate bleue. Plusieurs fois, ils descendirent tous les deux à Yport avec le baron. Comme ils se trouvaient sur la plage un soir, le père Lastique les aborda, et, sans quitter sa pipe, dont l'absence aurait étonné peut-être davantage que la disparition de son nez, il prononça « Avec ce vent-là, monsieur le baron, il y aurait de quoi aller demain jusqu'à Étretat et revenir sans se donner de peine. » Jeanne joignit les mains. « Oh, papa, si tu voulais !» Le baron se tourna vers monsieur de Lamare. « En êtes-vous, vicomte ? Nous irions déjeuner là-bas. » Et la partie fut tout de suite décidée.